Bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Et oui, c'est déjà la dernière émission de la saison. Je vous reviens cet été, mais cette fois-ci, ça va être une émission allégée. Je vais être en ondes à partir de 8 heures, de 8 à 9 heures, donc une émission d'une heure. Ça va être un concentré de Web Musique. Je vous rappelle que ce que vous entendez plutôt à l'émission, c'est possible de télécharger. Et ce, gratuitement. Vous avez juste à vous rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, il y a tout ce qu'il vous faut sur le blog pour télécharger les pièces. Ce soir, une émission assez éclectique. On va avoir un peu de gamelan, on va avoir du rock, de l'électroclash, on va avoir un peu de techno minimal, puis enfin, on va finir avec un petit bloc 8 bits. Donc, une émission vraiment éclectique. On débute tout de suite avec un peu de gamelan. Gamelan, c'est des instruments qui viennent de l'Indonésie. C'est des percussions. Donc, je vous fais entendre ça. On va commencer avec, malgré que ça vient de l'Indonésie, c'est un Canadien qui s'appelle Colin McDonald. C'est un compositeur qui vient de Vancouver, qui a déjà été animateur de radio à la chaîne 101,9, le CITR. Il a été en onde 3 ans, donc c'est un saxophoniste aussi, un personnage assez intéressant. Je vous fais entendre sa pièce « Stranger in a Strange Land ». Ça va être suivi par une compilation qui s'appelle « Gamelan of the Central Java ». La pièce, c'est « Skaten Gending ». Puis ensuite de ça, on va entendre Lou Harrison, c'est un compositeur américain. Je vous fais entendre sa pièce « La Chorus Sutro Strofo 1 ». Donc, on débute tout de suite avec Colin McDonald. Thank you. Thank you. C'était Lou Harrison avec sa pièce La Carosutro Strotto One. C'est un compositeur américain. C'était précédé par une compilation Gameland of Central Java, la pièce Skaten Gending. Puis on avait débuté avec Colin McDowell de Vancouver avec sa pièce Stranger in a Stranger Land. On va poursuivre avec encore un peu de gamelan, mais cette fois-ci avec un peu de drum and bass. C'est fait par un artiste de Québec qui s'appelle Form and Functions. Sa pièce s'appelle Gamelan. Puis ensuite de ça, on va entendre un groupe, ça n'a aucun rapport avec le gamelan, mais un groupe de Toronto qui donne dans le, un peu dans le rock industriel ambiant, un groupe qui s'appelle Meta Main. Donc pour tout de suite, Form and Function, la pièce Gamelan. I'm Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marcoux. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world beat, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche. Venez profiter du soleil sur la terrasse de la Barberie qui est maintenant ouverte. So close your eyes, for that's a lovely way to be. Savourez une de nos 8 bières proposées chaque jour au menu et profitez de notre salon de dégustation attenant à la brasserie qui dispose maintenant de plus d'espace pour vous recevoir de midi à 1h du matin, 7 jours sur 7. La Barberie, une microbrasserie fière de vous accueillir au 310 rue Saint-Roch, 522-4373. Dès le 2 juin à CKRL. Le vendredi, la soirée Rock et Blues débute avec une nouvelle émission. Pierre qui roule, animée par Dominique Champagne à 17h30. Le samedi, dès 16h, les soirées déjantées avec Errance Rinaldienne, la musique kitsch de DJ Rome et rétrogardiste l'émission de Mademoiselle Mossini. Le dimanche, de 11h à midi, le retour de Daniel Champagne avec l'émission Surboom, nostalgie des années 50 à 70. Toujours plus de diversité à CKRL, votre radio des découvertes cet été. We interrupt this record to bring you a special bulletin. Good God! Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. De retour à Web Music, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Avant la pause, on avait entendu Metamine, un groupe de Toronto. C'était précédé par un artiste de Québec qui mélangeait le gamelan et le drum and bass. L'artiste s'appelle Form and Functions. On poursuit avec un bloc quand même assez punché. On va commencer avec Shana Walker, un Français qui est un maître du mash-up et du remixage, vraiment intéressant. On poursuit ça avec Alt F4, puis je vous fais entendre ensuite de ça un peu de A.V. Paul Weinstein, la pièce Egg Roller. Pour tout de suite, Shana Walker. I C'était la pièce Egg Roller à l'émission Web Music. C'était par Evie Paul Weinstein, un artiste vraiment intéressant qui vient de Boston. C'était précédé par un peu de Alt F4. Puis on avait débuté avec Chenard Walker, un Français maître du remixage. On revient du côté du Québec. On va entendre un peu de Duchesse 16, la pièce Rabies. Ça va être suivi par un autre groupe de Montréal qui s'appelle Ghetto Nuns. Puis enfin, on va entendre GEL, la pièce Toss and Turn. Pour tout de suite, Duchesse 16. Oh, please clap your hands now. The Duchess says, come and hurry up. What's this? What's this? What's this? What's this? I'm watching you look great. I'm watching you look. Yeah. C'était GEL avec la pièce Toss and Turn. Le GEL, qui est un fondateur de l'excellente étiquette hip-hop Anticon, c'était précédé par Ghetto Nuns, un groupe de Montréal vraiment intéressant. Ça bûche pas mal. Puis enfin, on avait débuté avec Duchesse 16, la pièce Rabies. On poursuit avec un jeune homme, je crois qu'il doit avoir maximum 21 ans, qui vient de l'Angleterre, qui s'appelle Podge Master. Je vais vous faire entendre sa pièce Player Licks. Ça va être suivi par notre groupe chéri de Québec, Lesbo Vrouven. Je vais vous faire entendre la pièce Ship, qui est sur l'album le plus récent, qui s'appelle Encore la mort. Pour tout de suite, Podge Master. Stuff is for the painter.